Chapitre 43. Les songes. Que de choses en ces quelques jours! Que d'événements, de surprises! Quelle quantité de bonheur! J'en ai le cœur doucement réjoui et la tête cambrisée. Toutes mes prévisions se réalisent. L'heureux succès de l'aventure dépasse même ce que j'espérais. Pauvre Galfard qui s'imaginait, en s'emparant de la clochette, être maître de la chèvre d'or. Galfard doit le comprendre maintenant. La chèvre d'or ne cède point aux vaines menaces. Fière, elle hait les violents. Il faut savoir lui plaire, la charmer, et le reste n'est pas peine inutile. Certes, la clochette de Misé Jano m'a servi. J'en ai déchiffré non sans peine les mots gravés, et j'ai obtenu, de cette façon, l'indication nécessaire. Mais qu'aurais-je fait sans Norette? C'est elle qui m'a soutenue, encouragée. C'est grâce à elle, c'est pour elle que j'ai eu le courage de persévérer dans l'entreprise malgré Galfard, les gens du Puget, leur colère au grand jour et leurs sourdes embûches. C'est avec elle qu'au moment du solstice, à l'heure prescrite, l'ombre du roc marquant la place nous est apparue, sous un peu de terre et de gazon, le mystérieux coffret de fer, dépositaire du secret. Nous sommes allés dans un vallon sauvage. La nuit, de hauts rochers se découpaient sur un ciel pailleté d'étoiles. Et Misé Jano, sa clochette au cou, nous suivait. Ensemble, d'un commun effort, Norette m'aidant de ses petites mains brunes, nous avons fait tourner la pierre mouvante. Oh, l'éblouissement, tout au fond de la grotte sombre dont nous suivions les étroits couloirs, lentement, les doigts enlacés. Ils étaient là, innombrables, et jetant des feux sous les reflets de notre torche, les trésors du roi de Majorque. Je les ai vus, mes yeux me brûlent, vus cette fois seuls, pendant un instant. Je ne les reverrai que dans un mois, au lendemain de notre mariage, car Norette le veut ainsi, et je dois obéir à Norette.